Tu sais maman j'ai honte, si tu voyais ma vie tu serais en pleurs. Si tu voyais l'ampleur du mal en moi, la rage de mes sans pleurs. Je veux que je la porte sans peur, pas que je la sabote, cette vie sans perche. Et je te jure même ma rancœur déborde. Mon cœur est une fleur fanée sans terre et face à moi j'ai une horde de démons. Overdose de démence qui sans cesse le soir me démonte. T'as toujours été là mais je te l'ai jamais dit. J'ai hérité ça pas mais je finirai pas aux assédiés. Comment te faire comprendre? Non tu pourrais pas l'estomper. Face aux minutes de joie trop brève, ma c'est vitale s'est estompée. J'ai voulu être mort, c'est vrai que j'ai regretté d'être né. Je voulais voir l'envers du décor parce que la rage me détenait. Je sais que t'en as souffert, c'est clair c'est dur à assumer. Pourquoi j'ai l'impression je te perds et ce depuis que tu me vois fumer. C'est pas parce que je m'évade que je bosse mes repères. J'ai juste du mal à discerner mon chemin dessus de mon père. Je crois que c'est inconscient mais je t'en prie me parle plus des psy. Je crois qu'on perd notre temps, je vais faire une crise d'épilepsie. C'est vrai que je suis plus ce gosse facile loin d'être docile. Non j'ai grandi et tu vois ce fossile de granit. Il symbolise l'espoir parti. Entre nous deux c'est plus du mental enfonçage. Arrête ton fils, même si je suis plus cet enfant sage. Et j'aimerais sincèrement qu'un jour on reprenne à zéro. Parce que sinon ça fera trois personnes que la vie m'aura serré. Pardonne-moi maman pour toutes ces peines que je t'ai faites. Je sais que par moment j'étais la cause de ton mal-être. Et si seulement je t'avais écouté, je serais sûrement sur le bon chemin par à côté. Pardonne-moi maman, c'est peut-être trop tard pour que tu l'acceptes. J'explose, je me prends la tête, y'a tellement de choses que je regrette. J'aimerais sincèrement que l'on puisse effacer mes erreurs de jeunesse qui ont marqué ton passé. J'en perds la raison, c'est stressant, je m'énerve trop je le sais. Pourtant une mère on en a qu'une et qu'est-ce que je ferais sans. Maman pardonne-moi si quelquefois je suis blessant. Et si quand je pars en frire à manger, je me demande ce que tu ressens. Je sais que parfois t'as pris mes actes comme des offenses. Mais l'enfance passe et ne laisse pas intacte notre innocence. J'en prends conscience mais bon ne t'inquiète pas trop pour moi. J'sais qu'on évolue dans un monde où la plupart sont sournois. Ici faut jouer dur pour avoir l'air sûr de soi. Mais je reste pur et droit quoi qu'il en soit en souvenir de toi. Et de la façon dont tu m'as élevé. Mais dans ma tête je conserve mes rêves, personne ne pourra me les enlever. Même pas toi maman, et ce même si tu m'en veux. Faut que je construise ma route, c'est normal si vers eux je m'en vais. Et si je m'éloigne, ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Je garde au fond de mon cœur et de nombreux choix ça m'a sauvé. Pardonne-moi maman pour toutes ces peines que je t'ai fait. Je sais que par moment j'étais la cause de ton mal-être. Et si seulement je t'avais écouté, je serais sûrement sur le bon chemin par à côté. Pardonne-moi maman, c'est peut-être trop tard pour que tu l'acceptes. J'explose, je me prends la tête, y'a tellement de choses que je regrette. J'aimerais sincèrement que l'on puisse effacer mes erreurs de jeunesse qui ont marqué ton passé. Pardonne-moi maman pour toutes ces peines que je t'ai fait. Je sais que par moment j'étais la cause de ton mal-être. Et si seulement je t'avais écouté, je serais sûrement sur le bon chemin par à côté. Pardonne-moi maman, c'est peut-être trop tard pour que tu l'acceptes. J'explose, je me prends la tête, y'a tellement de choses que je regrette. J'aimerais sincèrement que l'on puisse effacer mes erreurs de jeunesse qui ont marqué ton passé.